On enchaîne avec notre prochain invité. Vous commencez à le connaître puisque ça fait troisième fois qu'il intervient dans l'émission. C'est Adrien Mathieu de Goal.fr. C'est la première fois qu'il intervient. C'est la première. Ouais. Ah excuse-moi, je confonds. Tu confonds avec Clément. C'est vendredi, je suis fatigué. Ah oui, je confonds tout à fait avec Clément Carpentier, ton confrère. Donc Adrien Mathieu, c'est la première fois qu'on le reçoit. Il intervient sur Goal.fr. C'est ça. Bonsoir Adrien. Bonsoir à Salut tous. Adrien. Vous allez bien? Ben parfaitement, merci déjà d'avoir accepté d'intervenir. Ben, merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir de passer dans Gironde Analyse et voilà, je suis content de venir discuter avec vous après ces 24 heures assez folles. Alors justement, parlons-en de ces 24 heures, oui ça fera bientôt 24 heures. Et pourtant on avait bouclé l'arrivée d'Adrien dans Gironde Analyse avant. Alors faut préciser oui, qu'Adrien était prévu déjà avant que la bombe à neutrons explose. Alors Adrien, comment déjà est-ce que toi t'avais eu des petits déjà, est-ce que comme même question qu'a posé Cyril tout à l'heure, est-ce que t'as été étonné de ce qui s'est passé hier, t'es tombé de ta chaise ou bon ouais, tu disais allez, on le sentait un peu venir quand même le coup? Alors je vais avoir le même sentiment que l'invité précédent, c'est-à-dire que le timing, la manière dont ça a été annoncé avec cette conférence de presse fracassante, je ne savais absolument pas. Je pensais pas que Poyet allait on va dire tirer sa révérence de cette manière-là. Par contre je pense que c'était plus ou moins prévisible qu'il allait se mettre tout seul dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il tira boulet rouge sur sa direction pour leur signifier directement leur mécontentement. Ça date de la fameuse première conférence de presse où il avait dit, après la préparation, je suis pas du tout content de ce qui se passe, on me donne beaucoup d'excuses pour le match contre Ventspils le 26 juillet, et j'aime pas ça. Et c'est là, c'est la première chance, ça a été la première fois que la direction s'est rendue compte qu'il y avait un vrai souci entre lui, la communication et on va dire l'équipe dirigeante. Donc voilà, des infos qu'on a eues, qu'on a glanées dans la journée. Donc pareil, je vous répète, vous n'êtes pas tous obligés de nous croire. Voilà, ce sont juste des infos. Libre à chacun d'en faire ce qu'il en veut. Des infos qu'on a eues, c'est que des côtés de dirigeants, et surtout côté patronat du Girondins de Bordeaux, on n'avait pas trop senti Poyet, on avait un peu peur qu'il parte avant le début du mercato. Il y a eu des réunions sur lesquelles il s'est dit très satisfait du travail proposé par la cellule, sur lesquelles les noms, il y en avait beaucoup qui lui plaisaient. Il y a eu un déjeuner entre, alors ça a déjà été révélé avant, il y a eu un déjeuner entre Nicolas Tavano et Poyet, où Poyet a signifié justement le fait qu'il soit content de ce qui était proposé par la cellule de recrutement. Et quelques jours après, il y a eu ça. Et à Bordeaux, il y a eu une défiance vis-à-vis de l'entraîneur. Mais de la part des Américains, c'était pas de licenciement de Poyet. On veut pas avoir à gérer ça. Il finit l'année, donc à vous de gérer correctement la situation. Voilà ce qui s'est réellement passé. Voilà aussi pourquoi ça s'est pas parti plus tôt. Voilà aussi pourquoi il a été beaucoup protégé par la direction, parce que tout est allé quand même dans son sens. Ah, on l'a jamais, il a jamais tiré les oreilles en public. Non, mais voilà, c'est énervement, c'est normal, etc. Mais on a quand même l'impression que les journalistes attendaient le faux pas qu'il a fait ou qu'il a volontairement fait. Donc ça sera un vrai pas, mais pour se suicider. Donc après le monologue de Marc, Adrien, déjà comment tu analyses le recrutement bordelais, parce que c'est un des griefs de Poyet. Il a l'air de s'en plaindre. Est-ce que pour toi déjà c'est un motif est-ce qu'il a raison d'être insatisfait voilà. Alors on va dire que le mercato, tout simplement, c'est un sujet de vive tension en Alliance, et c'est pas nouveau. Je pense que faut simplement lire ce qui sort dans la presse et comment réagissent les différents acteurs à Bordeaux pour savoir que vraiment c'est quelque chose dont faut pas trop parler, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Par rapport à la gestion de justement de ce mercato, est-ce qu'il peut être content? Enfin, est-ce qu'il est en porte-à-faux? Je pense que oui, parce que mine de rien, il suffit de lire le fameux papier de l'équipe sur les joueurs qui auraient été refusés. C'est vrai que moi, par exemple, j'avais annoncé Bradaric à Bordeaux. On m'a dit que tout était OK. Le club de Rijeka avait conclu l'accord avec les Girondins, 6,5 millions. Je me suis dit, bah, voilà, quoi, c'est bon, je peux l'annoncer. Ils m'ont dit, oui, oui, c'est bon, on a tout. Et Poyet est arrivé à dire, non, moi, je le veux pas, je le connais pas, je le veille pas. C'est un des nombreux exemples de cette gestion du mercato où, en fait, il y avait un dialogue de sourds entre l'entraîneur et sa direction qui, finalement, a décidé parfois de signer des joueurs sans l'accord de son entraîneur. Je vous laisse regarder les joueurs qui sont arrivés, vous en ferez les conclusions de qui il n'y a pas plus ou moins validé. Et voilà, donc après, pour le côté, on va dire, je défends enfin, je te confirme sur le nom de joueur. Je l'ai cherché, on me l'a dit aujourd'hui. Je m'en suis pas souvenu de la journée, j'étais incapable de leur dire autour de la table. C'est que tu sais pas qui c'est surtout. Mais je sais pas qui c'est, j'ai aucune mémoire des noms, etc. Donc merci de l'avoir recité parce que je pense que je l'ai déjà oublié. Brad Arrich, on est bien d'accord. Donc, voilà. On nous repose de pas sortir les noms. Voilà. Je confirme qu'on a exactement les mêmes infos et que c'était tout proche d'être signé. Exactement comme l'autre joueur, l'autre oui, mais ce genre de péripétie, à savoir que le club entame des négociations avec un joueur et qui est recalé au dernier moment par un coach, c'est déjà arrivé à Bordeaux, c'est déjà arrivé dans plein d'autres clubs de Ligue 1, c'est pas spécifique à Gustavo Poyet. Ce genre d'attitude au dernier moment de dire non, je le veux pas parce que je le connais pas. Ça dénote pas non plus d'une belle entente entre ça. Parce que logiquement, ils ont défini à la reprise des profils, j'imagine, des profils de recrutement, et s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur des noms et sur des profils, c'est quand même que ça dénote un problème. Non, Adrien? Ah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu l'as dit très justement, c'est pas une première, ça arrive à beaucoup de clubs que finalement, un profil ne correspond pas forcément aux attentes de l'entraîneur et que le club était très intéressé. Le problème, c'est qu'avec Poyet et la direction, j'ai l'impression que en m'intéressant à ce mercato bordelais depuis bientôt 3 mois, c'est arrivé tellement de fois que ça en devient presque risible. C'est qu'on se dit, mais en fait, si Kalou est arrivé en fin juillet, j'ai pas envie de parler d'un miracle, mais j'ai l'impression que moi, presque personne ne pouvait arriver tant il y avait une espèce de, voilà, justement, de cette mésentente par rapport aux attentes de l'entraîneur qui finalement a peut-être pas dit explicitement ce qu'il voulait, et la direction qui entamait des négociations, on va dire, assez fortes avec les clubs qui parvenaient à des accords, et pour finalement dire, ah bah non, désolé, on va pas le faire si mal. Il y a quelque chose d'assez finalement, pour un club qui vise l'Europe chaque année, c'est je trouve ça dommage d'en arriver là. C'est une question qu'on se pose, c'est est-ce que Poyet aurait dû avoir soit resté dans son rôle d'entraîneur et vraiment on lui impose certains joueurs, soit donner les libres pouvoirs à Poyet pour qu'il recrute les joueurs qu'il veut. C'est une question qui avait été abordée déjà sur les précédents entraîneurs, notamment Gourvennec, où les gens s'étaient plaints que Gourvennec avait eu les derniers mots sur les joueurs, et maintenant beaucoup de personnes se plaignent que Poyet finalement lui a pas assez laissé de pouvoir. Est-ce qu'il fallait lui laisser plus de pouvoir? C'est peut-être aussi que la direction sportive ne s'impose pas assez. Adrien? Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Poyet avait une forme de légitimité vis-à-vis des résultats. Nous, est-ce qu'il a pris Bordeaux après le bon intérim d'Éric Bédoué? Il les a ramenés à 6e place en Europe. C'était quelque chose d'inespéré avec ce sprint final, 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Et ce PSG qui a été un accro. Là, pareil, la campagne européenne est bonne. C'est vrai qu'il a une forme, il dégage une notoriété. Il est apprécié du vestiaire, même si forcément il y a toujours 3-4 joueurs avec qui il s'entend pas, voilà, qui sont partis depuis. Enfin voilà. Comme dans tous les clubs de Ligue 1. Voilà, exactement. Ouais. C'est courant. Et puis finalement, il avait le soutien de son vestiaire. C'est quelqu'un d'apprécié parce que il a su apporter un vrai état d'esprit à Bordeaux, une autre manière de voir que les joueurs n'avaient pas, parce que c'était un entraîneur étranger qui avait connu l'Angleterre de manière très forte en tant que joueur et entraîneur. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné, c'est peut-être ce rôle de manager qu'il a voulu imposer à Bordeaux, avec à la fois la direction sportive et les choix sur recrutement, et qui finalement s'est rendu compte qu'il y avait des obstacles pour lui, à savoir que d'autres personnes dans la salle de recrutement pouvaient décider, et ça l'a dérangé, et donc ça a bloqué pas mal de choses. Ouais, mais enfin, quand même, Gustavo Poyet, c'est pas le premier club qu'il entraîne. Il a été joueur de foot, enfin il a un très haut niveau quand il était joueur. Il sait quand même comment fonctionne un club de football qui a une cellule de recrutement. Après, un recrutement ne se fait pas qu'avec la cellule. Il peut y avoir des choix du coach, des choix de la cellule. Enfin, je sais pas, il le savait ça quand même, Gustavo Poyet, qu'il y a une cellule et que bah des fois, oui, il faut faire, même si t'es pas toujours d'accord. Voilà, c'est un petit compromis, ok, d'accord, sur ce coup-ci, j'accepte ce qu'on me propose par la cellule de recrutement. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui tournent pas rond depuis 8 mois là, entre tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous truc. Oui, Cyril, je sais, depuis 15 ans. Non, mais t'es en train de comparer une cellule anglaise avec des dizaines et des dizaines de scouts avec la cellule de Bordeaux où il y a deux scouts. Évidemment, à mettre en relation avec les moyens, je suis d'accord. Alors, moi, j'ai des questions sur le chat, je vais te les poser. Après, comme ça, tu vas pouvoir confirmer ou non. Déjà, est-ce que tu as des infos sur le dossier Pedro? C'est une question qui revient souvent sur le chat. Moi aussi, mais ma boîte mail et mes messages privés sur Twitter débordent de demandes sur Pedro. Alors, nous, on a d'infos que c'est compliqué quand même. Bah, moi, je vais avoir plus ou moins les mêmes infos. Alors, je vais être totalement transparent sur Pedro. C'est quelque chose que je bosse depuis, on va dire, un mois. L'intérêt remonte à plusieurs semaines de la part des Girondins. Il y a toujours, on va dire, un dossier ouvert, des discussions. C'est-à-dire que le dossier n'est pas clos ayant. Mais voilà, avec ce qui s'est passé, le club comptait, on va dire... En fait, je pense que le club attend que Fluminense craque en fin de mercato. Le souci, c'est que Pedro vient d'être convoqué par Tite avec la CSAO. Et qui dit convocation, c'est un joueur qui prend facile 5 millions de valeur, ce qui est plus ou moins normal sur le marché. Et reste à savoir si Bordeaux va faire... cette fameuse offre que Fluminense attend, on va dire, moi je m'attends à quelque chose entre 15 et 20 millions d'euros, ce qui sera vraiment un investissement lourd, un investissement, on va dire, aussi à la hauteur plus ou moins du rachat, parce que voilà, le club est racheté, mine de rien, il faut un joueur à forte valeur, il faut quelqu'un qui fasse un peu rêver. Le club a perdu Malcolm. Voilà, je prends l'exemple plus ou moins peut-être qui va pas vous plaire, mais Marseille, quand ils arrivent, premier joueur qu'ils prennent, enfin, c'est en termes de notoriété, c'est Payet. Ils prennent 30 millions d'euros, c'est un investissement colossal. Ils ont peut-être plus ou moins regretté derrière, mais il fallait quelque chose pour, on va dire, annoncer ce projet-là. Donc, pour moi, les Américains, en accord avec la suite de recrutement et Martin, ont validé depuis longtemps la piste Pedro. C'est toujours en cours, mais voilà, comme vous savez, en plus, le joueur n'appartient pas totalement à Fluminense, donc il faut satisfaire aussi des intermédiaires. Ce sera pas simple, mais voilà, je pense que les discussions se poursuivront jusqu'au bout au Pedro. Le club espère faire piller Fluminense. Ça va pas être compliqué maintenant qu'il est devenu international? Comme je t'ai dit, si, parce qu'il prend de la valeur, c'est sûr, mais le club compte encore faire payer, parce que Fluminense a des soucis financiers. C'est ça. A recruté un attaquant dans les derniers jours du mercato pour voilà, plus ou moins le suppléer. Donc à voir comment ils vont agir dans les derniers jours du mercato. L'autre question que j'ai sur le chat, c'est Azap Rubi qui dit ça sur le chat. Est-ce que Poyet aurait refusé aussi Grande Cire? Est-ce que tu en sais quelque grand chose? Grande Cire, pas Grande Cire. Ouais, je sais pas. Mais faut s'intéresser à la Ligue 1. C'est le Canal qui a refusé. Qui va refuser? C'est le décodeur Canal qui marche pas. Est-ce que tu as aussi cette info là ou pas? Je peux pas la confirmer ou pas. J'en ai aucune idée. Alors moi, de ce que je sais, c'est que Monaco avait plus ou moins l'accord avec Grande Cire depuis un moment, que Bordeaux s'est renseigné. De là à savoir que Poyet a invalider la piste, je ne sais pas de mon côté. C'est Poyet, c'est toute proportion gardée pour rigoler, enfin voilà, pour rigoler deux secondes. C'est comme Benalla, tu sais. Tout ce qui va se passer maintenant négatif, tout ce qu'on va apprendre depuis 8 mois, c'est tout Poyet. Va tomber sur la tronche à Poyet. Tout va lui arriver dessus. Non, pas forcément. Mais oui. La question sur Pedro, c'est que Stéphane Martin, en conférence presse, en présentation de Palencia, a dit qu'on se concentrait sur le 9. Alors, il donne un nom particulier, mais bon, sur le 9. Sur le 9 pivot. Est-ce que le fait qu'on dise on va recruter un joueur de moins, ça veut dire qu'on veut investir beaucoup sur le 9 et donc ça relancerait la piste? Enfin, ça voudrait dire que Bordeaux met vraiment tout son dévolu sur Pedro? Ou ça veut rien dire de particulier? Moi, je pense que c'est possible comme théorie. Je pense que le club, à un moment donné, comme on a pu voir, a contacté Morelos des Rangers pour un peu ce joueur capable d'aller sur les côtés, d'apporter la puissance, la vitesse, une sorte de... Voilà, comme Camano, mais avec une finition qui est quand même bien meilleure, parce que c'est un joueur qui a des bonnes stats depuis le début de sa carrière. Mais finalement, le club semble se satisfaire des ailiers qu'il a à sa disposition pour l'instant, et recherche justement ce numéro 9 qui pourrait porter à la fois le projet et qui a d'immenses qualités, quelque chose à apporter sur le front d'attaque différent des profils qu'on a actuellement, que le club a actuellement. Cyril, après j'aurai une question. Quand on voit l'effectif bordelais, alors ok, il manque un attaquant de pointe, c'est évident. Est-ce que pour toi, il y a encore un poste où ça manque un petit peu de qualité? Moi, j'entendais souvent Poyet parler de milieu défensif. Moi, ce qui, moi, présent au stade, ce qui me manque souvent, c'est de la créativité et la dernière passe. C'est vrai que t'es quatre mecs de devant. Pour moi, c'est quelque chose qui me plairait. Mais toi, spécialiste mercato, est-ce que t'as peut-être des infos sur des profils sur lesquels Bordeaux travaillerait en plus du neuf? Alors, si on parle en termes d'opportunités, il y a donc le numéro 9 à signer. Et je pense, d'après mes infos, mais je continue à travailler dessus parce que j'attends beaucoup de confirmations. Mais le club réfléchit quand même à une dernière opportunité et elle concerne, comme tu l'as dit, milieu de terrain. Donc c'est un profil qui serait assez créatif, technique, qui pourrait s'incorporer dans un système, peut-être un 4-2-3-1 avec un mec à côté d'un on va dire d'une sentinelle à la Ottavio, ou quelqu'un qui pourrait s'incruster dans un 4-3-3, et le club réfléchit à cette opportunité dernière minute. Donc voilà, c'est pour moi, il n'y aura pas forcément de renfort en défense. Le numéro 9, c'est le club se concentre à 100% sur lui, mais il reste peut-être une dernière chance d'avoir un milieu de terrain en recrutement. Moi, j'ai deux petites deux questions. On a beaucoup parlé qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il y en a le goleador des Landes qui sort le même nom trois fois d'affilée, Sanderberge, comme futur joueur. Moi, ça me fait marrer les mecs qui te sortent des noms, c'est des gars qu'on connaît pas, mais ils savent qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont déjà là. Non, ils disent pas qu'ils sont meilleurs. Ils disent c'est le Norvégien qui joue en Belgique. Voilà. Bref. Mais est-ce que ça... Oui, non, bah non, Marc. Sur le créatif, est-ce que ça peut être un prêt? Un prêt, pour moi, ce serait plus un transfert sec. Mais après, voilà, on ne sait jamais comment ça peut tourner le mercato. Palencia, par exemple, on avait assuré qu'il y avait une option d'achat au dernier moment, le club l'a pas mise. Donc, on reste prudent à chaque fois sur comment on opère ces différentes opérations. On a beaucoup parlé des arrivées depuis tout à l'heure. Force est de constater, mine de rien, qu'à part Malcolm, Maïté, Bressouet, je ne compte pas puisqu'ils ont été, ils n'ont pas été renouvelés. C'est bien de parler d'arrivée, mais il faudrait peut-être aussi penser à dégraisser parce que, bon voilà, Gaëtan Laborde est parti. Il y a quand même encore beau. Il y a Cafou qui est parti en prime. Enfin, je suis désolé, t'as pris 4 mecs, 4, peut-être 5, voire 6. Ta base qui est parti en prime. Enfin, je suis désolé, au milieu de terrain, t'es encore largement. T'es encore large. Il y a. Oui, t'en as si, un. Disons que si oui, tu doubles pas les postes, t'en as un. Si t'arrives. Si entre temps, tu t'en reprends pas, t'en reprends pas d'autres. Est-ce que t'as des. Voilà, au niveau des départs, est-ce que tu sais si Bordeaux a l'intention encore de dégraisser ou il se contente de. Ah oui, Prior également, si j'avais oublié. Alors, par rapport à ces départs, il y avait plusieurs joueurs qui, sous Pouillette, savaient que leur temps de jeu était plus ou moins condamné et qui cherchaient des parts de sortie. Maintenant, il y a peut-être un entraîneur, un nouveau qui va arriver et qui va mettre, je sais pas, qui va faire confiance à ces joueurs-là. Donc, pour l'instant, je reste assez prudent sur les joueurs qui sont sur le départ. Voilà, je pense à des joueurs comme Ottavio, Vada, Pennard, Gailly, qui forcément ont un temps de jeu qui n'a pas été extraordinaire depuis 6 mois à Bordeaux, mais qui ont pas forcément, on va dire, l'envie pressante de quitter Bordeaux. Pour eux, c'est pas non plus dans leur tête chaque jour quand ils vont à l'entraînement, ils disent pas voilà je vais plier mes affaires et je vais m'en aller. Certains veulent vraiment s'imposer. Voilà, Ottavio avait réalisé des bonnes premières semaines quand il était arrivé. Il n'avait pas trop compris sa mise à l'écart. On peut lui donner peut-être raison, voilà, qu'il y a ce qui s'est passé lors de la deuxième partie de saison. Donc, il fait partie pour moi de ces joueurs qui peuvent profiter du départ de Poyet pour retrouver un temps de jeu sensiblement élevé. Marc, l'autre question, c'est très bien, tu me lances. Le départ de Poyet, ça veut dire forcément le remplacer? Beaucoup de noms sont sortis. Alors, je suis incapable de faire la liste. Il y a eu Laurent Blanc, il y a eu Ranieri, Gourvennec, Thierry Henry et Klinsmann. Alors Gourvennec, on arrête de suite. C'est faux. Qu'est-ce que toi tu as comme info? Si tu me dis que t'as Gourvennec, ça me fera rire. Alors moi, pour moi, le retour de Gourvennec est plus ou moins exclu. Je pense pas que le club va tenter de le faire revenir pour... Certains joueurs auraient aimé, mais voilà. Certains joueurs auraient aimé, parce que finalement, c'est vrai que en termes sportifs, il a vécu 3 derniers mois difficiles, mais en termes humains, il a toujours gardé un excellent souvenir royant, que ce soit avec les joueurs, les salariés et la direction. Donc c'est vrai que le fait qu'il ait été contacté, ça me paraît pas non plus invraisemblable. Moi, de mon côté, ce que je sais, c'est que évidemment, c'était une après-midi, on va dire, on a passé beaucoup de coups de fil, on s'est beaucoup renseigné. Moi, je peux confirmer que Thierry Henry a bien été approché, comme l'a indiqué RFC Sport. Voilà, ça s'est vraiment passé. Je pense que ça, l'intérêt remonte peut-être avant le départ de Poyet, parce que je pense que on contacte pas Thierry Henry du jour au lendemain. Je peux, par contre, je peux rajouter, et ça c'est mes informations, que Henri a contacté d'anciens joueurs, entraîneurs passés par le Haillan pour, on va dire, prendre la température sur comment est le club, comment ça se passe, et surtout que vaut le futur projet des Américains. Ah, c'est sûr que là, si tu prends la température juste maintenant, t'as quand même pas une vision de ce qui se passe habituellement à Bordeaux. Ça c'est frustré. Ah là, c'est chaleur, Rémi. Non, parce que je veux savoir ce qu'il pense pour le après, en fait, pour le futur mercato. Ce qu'il pense, les Américains qui sont arrivés à Bordeaux, surtout. Parce qu'après, ce qu'il pense, ça peut venir un plus grand entraîneur, ça peut aider pour le futur entraîneur est-ce aussi. Tiens, c'est parce que tu m'y fais penser. Bien joué, Rémi, j'allais te rejoindre. Est-ce que, justement, le fait que là, on cherche un entraîneur, mais dans une période où, justement, on est en train de passer la main, ça nous permet de viser peut-être un petit peu plus haut que ce qu'on aurait pu avoir en gardant M6? Et est-ce que ça peut inciter certains coachs qui ne seraient peut-être pas venus si Monsieur de Taverneau serait allé les voir, avec l'arrivée de ce futur investisseur, est-ce que ça peut décider certains coachs qui étaient peut-être un petit peu réticents à prendre les Girondins? Ah oui, je pense totalement qu'il y a un lien de cause à effet. Voilà, les Américains vont débarquer à Bordeaux, la vente doit être normalement actée, on va dire officiellement fin septembre. Après, ils vont mettre petit à petit en place leur projet avec une forme de transition avec de Taverneau qui va se passer durant, on va dire, 6 mois, mais évidemment il y a cette volonté d'avoir un entraîneur un peu star, quelqu'un qui peut représenter et qui aussi forcément est connu aux États-Unis, parce que si GACP s'implante en France, il y a aussi une volonté de faire connaître la marque Girondin et le club aux États-Unis. C'est-à-dire que voilà, on va essayer de vendre un peu du merchandising bordelais à ce public américain qui voilà, a grimpé, on a vu avec l'effet MLS et des arrivées des différentes stars, mais aussi on veut faire connaître ce que peut faire Bordeaux. Donc à suivre, je pense que l'entraîneur peut être un peu représentatif de ce projet-là. Oui, Marc. Ouais, on parle beaucoup mercato. Depuis le début, comme le football ça se limite pas à ça, que tu as suivi la bombe nucléaire qui a explosé en Gironde hier soir. Est-ce que tu penses que ça peut avoir au sein des supporters des incidences sur le long terme? On l'a vu, alors c'est pas la première fois que une activité voyant sein de les supporters. Il y a eu le licenciement, je vais y arriver, de Carasso, il y a pas plus tard que 6 mois. De Gobanek, je dis quoi? De Carasso. Et il y a eu Carasso, l'affaire Carasso, j'ai contracté les deux fois en même temps. Oui, c'est un peu le même. Et le départ de Carasso, où ça avait divisé les supporters. Une troisième division entre supporters, est-ce que pour toi ça peut avoir une incidence sur le public et la ferveur bordelaise, qui est déjà pas forcément une ferveur très expansive? Je pense que les supporters, par rapport à cet incident Poyet, ils ont tous peut-être été surpris par ce qui s'est passé hier soir, parce que ils connaissent pas forcément les coulisses, et c'est vrai qu'on peut pas leur donner tort. Peut-être qu'ils ont pas forcément envie de savoir qu'il y a une guerre d'ego entre Ramé et Poyet, que voilà, c'est pas des choses qui leur intéressent. Eux, ils s'intéressent plutôt au terrain, à ces joueurs qui arrivent, avec ces jeunes, ce centre de formation performant, le spectacle qui est proposé. Et c'est vrai que par rapport à la mise à pied de Poyet qui va découler d'un licenciement, il y a peut-être une incompréhension, parce que mine de rien, les résultats sportifs, comme je vous l'ai dit plus tôt, ont été plutôt bons avec Poyet. Il avait résultats, Poyet, oui. Il a ramené le club en Europe, il y a eu des victoires plus ou moins intéressantes contre Lyon, un match contre le PSG qui avait été plutôt concluant, il y a eu ce derby de la Garonne la 36e journée qui avait été un peu qui avait été sympathique à regarder. Donc je me mets pas à la place des supporters, ils raisonneront comme ils veulent, ils sont assez grands, ils ont vécu beaucoup de choses à Bordeaux ces dernières années pour juger de la situation, mais je pense qu'ils seront très très attentifs et ils ont le droit de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce que par rapport aux différentes attentes, promesses lié au mercato à l'arrivée des Américains, le club n'a pas le droit de les décevoir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce fameux numéro 9 d'envergure qui arrive, ou si c'est un entraîneur type Pascal Duprat qui prend en main l'équipe, ils auront le droit d'être dans la compréhension, parce que on vend une vitrine Girondin pour finalement retomber dans un club qui n'aura pas grandi par rapport à l'arrivée des investisseurs américains. Et puis il y a une chose aussi, on en parlait tout à l'heure, j'y pense maintenant, sur quand on évoquait le nom de Jocelyn Gourvennec. Alors je sais pas vous les gars ou Adrien, comment, enfin aujourd'hui, si vous avez un petit peu suivi, mais je suis désolé, depuis qu'on a commencé le début d'émission, je suis sur le chat. J'ai pas beaucoup trouvé de défenseurs du club, que ce soit sur les réseaux. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de supporters qui sont entre guillemets, alors même s'il y a pas de côté à être ou de pas côté, mais qui sont, comment dire, plus enclins à soutenir Gustavo Poyet. Et je trouverais que faire revenir Gourvennec, qui s'est fait virer par les supporters, parce que clairement il s'est pas, bon, pour ses résultats, on va pas se mentir aussi, mais sous la pression du public et des supporters. Le faire revenir 6 mois après, même pas 6 mois après, pour prendre la place d'un gars qui, bon, pour l'instant a encore une cote, parce que le mec a ouvert un peu sa bouche, tu vois, grande gueule, machin, tout ça, je trouverais ça un petit peu risqué, et ça serait, je trouve, en termes de com, très mal joué. Cyril, et après on termine. La fin de la matchs, en fait, elle est très compliquée, quoi. Donc vivement les Américains. C'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, ouais. Ton avis juste sur les Américains, comment tu le sens? Parce que en fait, vivement les Américains, mais on n'est même pas sûr qu'ils nous fassent pas pire que M6. Oui, voilà. Parce que par exemple, Brillant, le recrutement Brillant, c'est un choix des Américains. Ben moi, ça me va bien. Mais c'est un exemple. Je sais que beaucoup ont décrié le recrutement Brillant, en disant, M6, c'est vivement que les Américains arrivent. Et ça s'avère que c'est quand même un recrutement des Américains. Donc, comment tu le vois? Alors, moi, par rapport aux Américains, mon ressenti, pour avoir discuté avec quelques-uns d'entre eux, les fameux membres de JACP, on a beaucoup entendu que ça pourrait être un colony capital de, comme il y a eu au PSG. Je pense qu'il faut leur donner du temps, parce qu'ils ont pris en main un projet qui est peut-être, je trouve, différent du PSG, qui était à l'époque, on va dire, plus ou moins un champ de ruines, et voilà, c'était délicat pour eux. Là, ils arrivent dans un club avec une vitrine à vendre, parce que la ville de Bordeaux est extrêmement suivi aux États-Unis, en Chine, c'est quelque chose qui est une destination touristique qui est importante, et je pense que c'est aussi le choix allié de venir investir à Bordeaux. Par rapport à eux, je pense qu'ils sont entourés d'une équipe plus ou moins d'experts du football. On a pu voir les noms, ils ont circulé, vous les connaissez, l'ancien entraîneur de Porto, des anciens conseillers, exactement, des anciens conseillers de Liverpool. Ils travaillent avec eux depuis plus ou moins 6 mois, 1 an pour prendre la température, pour se renseigner sur ce qu'il faut faire dans un club, parce que eux, ils ont plutôt l'habitude, voilà, évidemment, de sport type NBA, enfin voilà, quand ils arrivent, ils savent pas qu'il y a des différences fondamentales avec le football européen. Et donc ils ont pris beaucoup d'infos, et ils arriveront avec pas la volonté non plus de révolutionner le club. Eux, ils veulent pas non plus tout chambouler. Mais voilà, ce sera une affaire à suivre. Je peux pas vous en dire plus, parce que je ne sais pas comment ça va se passer dans les détails quand ils vont arriver. C'est délicat de voir ce qu'ils vont mettre, mais je pense que on aura beaucoup de renseignements au moment où justement ce fameux numéro 9, cet entraîneur vont arriver. Ça montrera où est la jauge qu'ils veulent mettre pour Bordeaux. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on refait de Bordeaux une place forte du football en France avec deux stars qui peuvent porter le projet, ou est-ce qu'on se contente pour l'instant de prendre des mecs lambda avec un collectif pour tenter de faire une qualification européenne et de construire petit à petit le projet? C'est à voir. Dernière question pour Cyril. Mais justement, tu disais que tu avais rencontré certains membres de GACP. J'aimerais savoir qui c'est qu'il y a en dehors de Dagrosa. On a entendu parler de Hunchus, le propriétaire des Lakers et des Los Angeles Galaxy. Est-ce que tu sais s'il fait partie du projet ou pas? Oui, Hunchus est peut-être une sorte de superviseur, de conseiller éloigné. Et comme je l'ai dit pour Thierry Henry, c'est lui qui a plus ou moins soufflé le nom, qui a dit, comme lui, il a des intérêts dans la MLS et qu'il aime beaucoup, on va dire, les anciens joueurs qui arrivent comme Ibra, Gerrard, Lampard, Pirlo et donc Thierry Henry, exactement, qui a été le qui a un peu initié le mouvement au XXIe siècle. Et lui, il a dit, ben voilà, je sais que Thierry Henry cherche un club à prendre en main, donc voilà, essayer de voir si c'est possible. Ça date d'il y a peut-être 2 ou 3 mois. Mais Hunchus est partie prenante du projet. Alors, je dirais pas qu'il est impliqué à 100% tous les jours parce qu'il a énormément de business à gérer. Voilà, il a une fortune colossale, mais il suit ça comme peut-être une affaire parmi tant d'autres. Je sais pas combien d'affaires il a, une trentaine, une quarantaine, mais il est plus ou moins là en prenant des petits coups de pied de temps en temps. Voilà. Est-ce que ça impliquerait le rachat du stade notamment parce qu'il fait partie de AEG qui c'est une entreprise justement d'événements où ils rachètent des stades. Ils ont racheté Bercy notamment récemment. Je pense que à moyen terme, quand ils arriveront à Bordeaux, cette discussion elle reviendra sur le devant de la scène parce que ils veulent faire du Matmut un lieu, on va dire, à l'américaine avec à la fois des spectacles, un lieu familial et voilà, que ça devienne un peu un endroit de rendez-vous chaque week-end où les gens peuvent se divertir, peut-être de 14h à 18h, je prends un exemple comme ça, ou la soirée, donc le rachat du stade est bien évidemment dans l'esprit, mais pour l'instant, c'est pas la priorité fondamentale. Ben écoutez, messieurs, on verra bien comment ça va se passer dans les... Bienvenue dans en studio, dès que t'es à Bordeaux. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Adrien Mathieu. Je rappelle qu'on te suit. Bah tiens, alors goal.fr. Je pense que t'as tout ce qui est Twitter, Facebook. Je connais pas grand chose. Exactement. Voilà. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux et on peut te lire sur goal.fr. Merci beaucoup. Avec Gironde Analyse. Et qu'on relaye avec Gironde Analyse et Gironde33.com. Donc merci Adrien d'avoir passé une partie de cette émission avec nous. On te souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Puis t'es le bienvenu dans l'émission quand tu veux, y a pas de souci. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao.